Le 16 août 1977, la disparition brutale d'Elvis Presley laisse tous ses admirateurs dans le désarroi complet. Nombreux sont ceux qui décident de partir immédiatement pour Memphis pour rendre un dernier hommage à leur idole. Alors on doit préparer le dernier show du King. Les amis d'Elvis sont mis à contribution et ce n'est pas forcément agréable, comme nous le disait à l'époque Charlie Hodge, l'un des fidèles de Presley. Le jour suivant fut le plus dur de ma vie. J'ai dû aller avec son coiffeur pour peigner Elvis de la façon qu'il préférait, avant qu'on ne l'habille. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Dans l'après-midi du 17 août, la police estime à 70 000 le nombre de personnes présentes et se voit obligée de prendre des initiatives pour gérer une telle foule. Des postes de secours sont installés sur la pelouse, à l'intérieur même de la propriété d'Elvis, car de nombreuses personnes sont victimes de malaise dû à l'émotion et à la très forte chaleur humide de ce mois d'août dans le Tennessee. Tout le monde est dépassé par l'événement. Et un dramatique accident vient encore assombrir l'ambiance. Un chauffard percute un groupe de fans devant la maison d'Elvis et tue deux jeunes filles de 19 ans, Alicia et Juanita, qui étaient venues de la Louisiane pour veiller leur idole. On essaye de tout faire pour permettre au plus de monde possible de venir voir une dernière fois la dépouille de la plus grande star du monde. Dans la maison, autour du cercueil d'Elvis, Joe Esposito tente d'organiser les choses. All of us around Elvis, we say, listen, this is Elvis's last public appearance. On s'est dit, bon, c'est la dernière apparition publique d'Elvis, nous devons le faire bien pour tous ces fans qui vont venir. Mais nous n'aurions jamais pensé qu'il y aurait autant de monde pour lui dire adieu. C'était incroyable, tous ces gens qui montaient l'allée, qui entraient dans la maison, qui faisaient le tour du cercueil et qui repartaient. Certains se sont évanouis près du cercueil. On a dû les secourir, ça a duré 6 heures. C'était incroyable de voir tellement de gens venus dire au revoir à Elvis. Il faudra plusieurs jours pour que Graceland retrouve son calme. Elvis sera enterré dans un premier temps au cimetière avant d'être définitivement enseveli dans sa propriété, au Jardin des Méditations. With those angel eyes, come and take this earth boy up to paradise. Angel, may I hold you tight? Never kissed an angel. Let me kiss one tonight. If I said I love you, would I be speaking out of turn? I'm only human, but I'm willing to learn. Make my wish come true. Let me be in heaven, here on earth with you. Angel, never kissed an angel. Let me kiss one. If I said I love you, would I be speaking out of turn? I'm only human, but I'm willing to learn. Angel, wish come true. Let me be in heaven here on earth with you. Angel, angel, Angel Elvis Presley, Magic Elvis, une série signée Philippe Robin. Une série qui avait été initialement diffusée en 2007 pour les 30 ans de la mort du King. Depuis, le temps a passé, 10 ans, donc 40 ans. Vous pourrez retrouver cette série Magic Elvis en rediffusion tous les matins sur le site de France Inter, franceinter.fr.